merde, décroche ton fun. C'est F2X sans ce microphone. Achète l'album, c'est de la bombe de balle. Bombe de balle, c'est de la bombe de balle. Je reviens hardcore sur la rythmique. Instru électronique, c'est la technique du low stick. I'm fantastique sur le mic. C'est Funky Fixy qui vient de Panam City. Je te mets un low kick, un front kick sur le tempo. C'est high minimal, j'ai pas la maille mais le flow. Keep me high si t'es chaud. C'est la high dans les mots, j'suis bestial en studio. J'excite la percussion avec le frelon. J'ai les master blaze si tu ressens pas le bon son. Enlève tes boules jazz si tu ressens pas le bon son. Enlève tes boules jazz. C'est F2X sur le micro. Le mec il s'excite sur tous les tempos. J'fais des jeux de mots avec tous les mots. J'ai même pas lu en entier le G-Co. Notre son c'est du lourd, c'est du vrai, c'est pas du trafiqué. Ça se vérifie dans chacun de nos couplets. C'est pas du copier-coller compliqué. Rap de vrai la chronique. Il excite les critiques. C'est comme un low kick bien placé qui te fait plier. Mon rap tu peux pas l'esquiver. Même si t'es bien caché, mon rap va te retrouver. Va te défoncer les tympans. Il te surprend tel un guet-apens. Mon rap est original, représente la capitale. Mon rap jamais ne capitule, même sous la canicule. Mon rap est glacial, il remonte le moral. C'est de la bombe, c'est de la balle. Ça débouche les trous de balles. Réveille l'animal caché au fond de ton cerveau. Mon rap te rend accro comme de la bonne coco. Ce que j'espère c'est te faire sourire. Faire plaisir, tu peux investir. T'es pas obligé, on sait se gérer. Yeah, depuis que nos 17 sont passés. On veut peser, on veut faire des maquettes rodées. Yeah, yeah, yeah, c'est le rodeo des frelons. Ça déballe des mots sur tous les flows. Nous on donne tout pour le public. Si tu me critiques, tu critiques le public. Si tu me critiques, tu critiques le public. Donc vas-y critique, j'te mets un low kick. Nous on donne tout pour le public. Si tu me critiques, tu critiques le public. Si tu me critiques, tu critiques le public. Donc vas-y critique, j'te mets un low kick.